Donc il me semble, pour revenir à l'âge d'entrée dans la carrière, notamment pour les enseignants-chercheurs, qu'elle était jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, très tardive pour les maîtres de conférences, notamment en humanité. Je crois que c'était 37 ans, il me semble. C'est quand même un petit peu tard. Et il me semble aussi que les choses changent. Qu'auparavant, notamment en lettres et sciences humaines, il y avait beaucoup de gens qui étaient enseignants dans le secondaire. Et peut-être à part l'histoire, mais il me semble que ça change beaucoup parce que les carrières ont vraiment tendance à se séparer dans les études et pour après. Et donc, les personnes qui ont un doctorat en lettres ou en géographie ou des choses comme ça, soit après, peut-être qu'il y a l'expatriation, la création de leur propre entreprise en auto-entrepreneur, peut-être ça va marcher, peut-être pas. C'est assez difficile, quoi, l'après-thèse. Parce que le poste est rarement là et il y a aussi toutes les baronnies locales qui souvent ont un très fort pouvoir en fait. Hein. Voilà ce que je voulais dire juste. Je pense que en lettres et sciences humaines, il y a quand même encore le modèle de la carrière des normaliens agrégés, qui c'est une minorité, mais qui est peut-être la minorité qui s'est recrutée. Et il y a tout un ensemble d'autres statuts, mais c'est peut-être pas ceux qui, in fine, rentreront dans le sur statut stable. Et il y a une remarque sur les carrières, parce que ça c'est vraiment un truc que j'avais trouvé super marrant. C'était un conseil scientifique de Paris 6. Et ça concerne des gens qui ont un statut, mais par rapport à l'habilitation. Parce qu'on peut pousser le vice très très loin. On vous emmerde pour vous faire faire un postdoc qui dure. Puis vous arrivez, vous vous dites, ça y est, je suis majeur et vacciné. Ah non, il y a encore une étape initiatique, l'habilitation. Alors, vous sortez d'un postdoc, et une fois de plus, c'est les biologistes qui sont super dans ce genre de circonstances, il faut toujours les regarder, ils ont une capacité d'imagination extraordinaire. Donc le mec, la nana, il a fait 4 ou 5 ans, 6 ans, ils ont commencé à écrire leurs propres contrats aux États-Unis dans des gros labos, on les fait revenir en France sur un truc de CR2, et puis là, au conseil scientifique de PSI, il y a quelqu'un qui dit, attendez, l'HDR, il ne va pas l'avoir comme ça, hein. Il va falloir que ça attende 2-3 ans avant qu'il puisse. Et alors là, vous craquez, vous vous dites, mais jusqu'où vous allez aller, quoi? Quand est-ce que vous allez arrêter? C'est hallucinant. L'autre truc, c'est sur la disparition de l'ANR. Moi, ma position sur les histoires de financement sur projet, moi, je n'appelle pas ça financement sur projet, j'appelle ça financement par agence, par opposition, par absence de moyens par rapport à un organisme comme le CNRS ou un établissement comme l'université qui sont des établissements de recherche. Moi, je suis con, au fond de moi, ce que je pense, c'est que la bonne raison pour supprimer l'ANR, ce n'est pas des problèmes de qualité de la recherche. Il y a plein de façons de faire de la bonne recherche. Les Américains, dans mon domaine à nous, ils font de la bonne recherche, voire même de l'excellente recherche, par un financement sur agence. Moi, la vraie raison qui me pousse à faire sauter l'ANR, c'est les problèmes qu'on a discutés de relations d'organisation du travail. C'est-à-dire, je trouve que le fonctionnement par financement sur agence individualise les financements, conduit à des relations de type chef d'entreprise et employé, et ça ne va pas dans le sens d'un collectif de travail où la hiérarchie est quelque chose de très relatif. Les relations entre les individus ne sont pas des relations de dépendance parce que c'est moi qui paye. C'est pour ça que moi je dis que c'est pour ça qu'il faut niquer l'ANR. C'est pour les conditions de travail dans lesquelles on a envie que la recherche se fasse. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une recherche qui se fait dans mon labo avec des petites mains dont je suis le grand chef, indéboulonnable, etc. Ce dont j'ai envie, c'est d'avoir des gens avec lesquels je discute qui vont me déboulonner, qui vont me remettre en question parce qu'il n'y a pas de notion hiérarchique établie par ces dépendances matérielles. Donc pour moi, la vraie raison de déboulonner l'ANR, elle est plus là que sur... Je crois que si on se bat contre l'ANR avec le problème de la qualité de la recherche, on va se faire avoir. On va se faire avoir parce qu'il y a des modèles qui existent qui sont excellents comme ça. Quoi. Je pense que c'est un peu une erreur d'aller au combat sur cette base-là. C'est un message qui est difficile à faire passer, mais c'est ma conviction profonde. Oui, et en plus, tous les collègues qui ont participé à son contrat essayent de se défendre en disant que quand même, Ils ont réussi à faire de la bonne recherche, malgré tout. Donc, c'est vrai que c'est, ça fait un conflit entre collègues, alors que l'idée, c'est plutôt d'être solidaire sur un... On fait toujours de la bonne recherche. Sur un point de vue, et c'est vrai que l'individualisation des relations de travail avec... C'est... On peut toujours en faire. Si je peux faire un commentaire, c'est des entrepreneurs de recherche, c'est vraiment des TPE. C'est des gens en général, les chefs d'équipe, qui n'ont aucune formation en ressources humaines, en droit du travail, qui font parfois mais n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en tant que collègue, c'est aussi, et là on peut le dire, vraiment extrêmement désagréable de voir ce que le collègue d'à côté fait avec ses précaires. Parce que dans certaines entreprises privées, ça ne serait pas possible. Il y aurait des garde-fous sur ce qu'il est possible de faire en termes de harcèlement, en termes de droit de la propriété intellectuelle. On a des cas dans certains laboratoires où, heureusement, le collectif du laboratoire essaye d'intervenir, parce que du côté du précaire, ça n'est jamais possible de dénoncer ces conditions de travail parce qu'ils sont en train justement d'essayer de rentrer sur le marché du travail académique. Donc c'est pas possible pour eux de dénoncer. C'est pas possible d'aller auprès de votre directeur de laboratoire en disant c'est quand même inconcevable que je n'ai pas le droit à avoir un financement de mes missions alors que toutes mes publications vont sur la page d'accueil du laboratoire. Mais vous ne pouvez pas le dire, parce que vous êtes en train de rechercher un poste. Donc vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ceux qui recrutent. Et ça, parce qu'on est un recrutement collégial dans des petites disciplines, ça fait que la dénonciation, ça ne peut pas être les précaires qui la portent, ou en tout cas, c'est extrêmement difficile. Et il faut absolument des garde-fous collectifs, et c'est le laboratoire de recherche qui est le lieu. Et je pense que Didier a raison, plus l'argent... et collectivisé, plus les gens regardent aussi son utilisation. Je voudrais pousser une seconde de plus l'argument qualité de la science, si je puis dire. Je crois qu'il y a, en tout cas à partir de l'expérience de l'SHS, je crois qu'il y a un rapport intime entre le mode de division du travail et les produits que nous faisons. Et je crois en particulier qu'une des choses que promeut ce type de financement par agence, c'est une division du travail qui est extrêmement négative. En particulier, lorsque le chef de projet n'a en gros pas le temps, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, n'a en gros pas le temps de s'occuper de la recherche et simplement va collecter la crème des observations de ses salariés pour en faire un article, ça sera un mauvais article. On a besoin dans notre métier, l'historien a besoin d'aller dans les archives, l'anthropologue a besoin d'aller sur le terrain, et de pas, et tout ceci n'est pas délégable. Et si on le délègue, c'est mauvais. On arrive à des mauvais produits. C'est uniquement ça que je voulais dire. Et ça, je crois quand même que... Et on a une expérience. Après, la recherche sur projet en soi n'a rien dit scandaleux, c'est très très utile. On a une expérience historique dans ce pays. Je ne vais pas monter à la DGRST, ça nous amène un petit peu loin, mais en gros, depuis l'intégration Giscard et au statut, ou l'intégration SNCF et au statut, je ne sais pas comment il faut l'appeler, bref, dont j'ai bénéficié personnellement, hein, de fin des années 70, début des années 80, jusqu'à l'ANR, il y a eu une période assez saine de financement contractuel. Il y avait des sous, mais pas pour payer des salaires. Donc, on était dans une période, toujours, mais dans certaines conjonctures, il y avait une croissance simultanée du financement contractuel d'un côté et des postes statutaires de l'autre. Impeccable. Il n'y a rien à dire, tout le monde n'avait pas nécessairement un poste. Mais disons, on n'était pas dans la production permanente de situations comme celles qu'on a décrites aujourd'hui. Et je crois que c'est peut-être dans cette perspective-là qu'il faut se mettre. Au passage, juste une remarque que je dis vraiment avant. Il faut arrêter de parler de recherche sur projet, parce que ça pourrait laisser croire qu'avant l'ANR, on n'avait pas de projet de recherche. Et moi, depuis le début, je dis qu'il faut parler de financement par agence. C'est hallucinant. L'ACI dont parlait Pascal tout à l'heure, c'était une très bonne institution. C'était le CNRS, qui est le ministère, qui promouvait l'ACI sans pouvoir surpasser les raisons du postdoc.